Dehors, la pluie tombe doucement et régulièrement sur le toit de la tente. Tout à coup, le vent se lève et des nuages sombres se poursuivent dans le ciel. Viens, viens dans mon royaume, murmure une voix séduisante en pleine tempête. Sébastien sort de la tente et se dirige vers la montagne. Le cœur battant, il s'approche d'un portail de pierre qui permet d'entrer dans la montagne. Les branches sombres d'un arbre énorme et dépouillé de feuilles ressemblent à des formes menaçantes dans le ciel gris. Cependant, comme attiré par une force magique, Sébastien entre. Un couloir mène à un escalier en pierre très étroit, qui monte en spirale à l'infini. Des torches jettent une faible lumière sur les murs noircis de suie, et dehors, le vent hurle. Sébastien grimpe les marches une à une. Son cœur bat très fort. Arrivé en haut, un autre couloir très sombre mène à une grande pièce. À pas lents, il entre dans la pièce. Ce qu'il voit le fait frissonner d'effroi. Par les ouvertures, taillées dans le rocher, la lumière du jour terne pénètre. Au milieu de la salle trône une statue en pierre haute de plusieurs mètres qui le fixe de ses yeux effrayants. Sur son épaule est perché un affreux vautour qui tend son cou chauve vers lui. « Oh !» gémit Sébastien. Et ses dents commencent à claquer de peur. « C'est quoi ce bruit bizarre ?» D'autres vautours le fixent de leur regard perçant. Les uns sont posés sur des sacs en plastique noir, les autres volent autour des sacs. Quelle horreur ! Des sacs en plastique dépassent des os humains ! Une tête de mort semble le regarder en ricanant diaboliquement. « Qui t'a permis d'entrer dans mon royaume ?» La voix basse et menaçante fait frémir Sébastien. « Tu paieras ce délit de ta vie. On va te jeter en pâture aux vautours. » À ces mots, la terre tremble. Le rocher s'ébranle et des blocs énormes de pierre se détachent du plafond. Sébastien comprend qu'un danger le menace et retourne le plus vite possible vers l'escalier. Tout à coup, le rocher commence à trembler de nouveau et un lourd bloc de pierre tombe par terre dans un fracas énorme, juste à quelques mètres de Sébastien. Pris de panique, il continue à descendre l'escalier. La pierre s'approche et s'approche, le touche déjà. Sébastien pousse un cri. « Hé, qu'est-ce qu'il y a ?» Quelqu'un le secoue. Comme abasourdi, Sébastien reconnaît son ami qui se penche vers lui en riant. « Qui est-ce qui t'a poursuivi cette fois ? Barbe bleue ou l'homme au sac en plastique noir ?»« Oh, fiche-moi la paix !» répond Sébastien. Tout content de voir que tout ça n'était qu'un mauvais rêve, il se tourne sur le côté et essaie de se rendormir.